Jackson, où t'as mis ton pantalon? Hey Mr. Jackson, j'ai cherché dans toute la maison. Hey Mr. Jackson, quand t'as écrit cette chanson? Hey Mr. Jackson, t'avais pas toute ta raison. Hey Mr. Jackson, ce qui compte c'est le bon son. Hey Mr. Jackson, on se fout de ton opinion. Hey Mr. Jackson, parle-moi sur un autre ton. Hey Mr. Jackson, allez je me casse là, c'est bon.